Tortoli et Arbatax ne prennent pas de vacances radiophoniques. Ou presque. C'est chaque mardi de 18h à 19h sur Radio Panique. Même pendant le mois d'août. Oui, madame. Ah. Hey, bonjour tout le monde. Salut, vous écoutez Tortoli et Arbatax, ou plutôt Tortoli sans Arbatax. On est aujourd'hui jeudi, vous écoutez Radio Panique. On va vous passer un peu de son. C'est surtout une émission musicale à base de bons sons, si vous voulez. Il y aura de la soul, du funk, du raga, du coupé décalé. Voilà, c'est un peu musique black un peu cette semaine. Ce qu'on entend derrière, c'est le James Brown fucking drummer. Et juste avant, le générique, comme dans toutes nos émissions, un peu décalé, c'était Funky Cops, issu d'une série animée, un dessin animé, qui a été connu il y a 5-6 ans. Funky Cops, ça s'appelle, et la musique était composée par DJ Abdel. Voilà, on va se lancer tout doucement avec un petit break-estra des Américains qui tournent notamment en ce moment avec Shali Tuna, le chanteur à la grosse voix de Jurassic 5. Shali Tuna et Breakestra qu'on a pu notamment apercevoir les chanceux à Dour, au festival de Dour, à la moitié du mois de juillet. Voilà, Breakestra qui sera suivi juste derrière d'un autre groupe funk, un peu soul aussi, qui s'appelle Belle Ruche. Voilà, tout de suite, Breakestra avec le titre Burgundy Blues, issu de l'album Hit the Floor. Hit the Floor qui est paru en 2006, me semble-t-il. Voilà, c'est parti. We'll be right back. Radio Panique. C'est 105.4, c'est formidable. Me. C'était juste avant, c'était The Bamboos avec le titre On The Sly. Voilà, vous écoutez Radio Panique sur le 105.4 ou en différé sur le www.radiopanique.org. Ou peut-être pas en différé, simplement que vous avez podcasté l'émission parce qu'elle est podcastable, oui, monsieur, oui, madame. À partir de la page de Tortoli et Herbatax, c'est le nom de l'émission. Tortoli et Herbatax, Tortoli qui fait 100 Herbatax aujourd'hui. Mais voilà, ça nous empêche pas de nous en mettre plein les petites oreilles. C'était donc The Bamboos qui a été précédé du titre Northern Girls, pardon, du groupe de UK London, Belle Ruche. Les deux sont signés sur le même label, Through Sorg, si je lis bien mes petites fifiches. Voilà. Et donc juste avant The Bamboos, on va s'enchaîner avec une sorte de classique derrière. Toujours funky, toujours soul, vous écoutez Radio Panique. On est jeudi, on est bien, il y a le soleil. Comme un classique, en cache toujours un autre. Voilà ce qui suit. Elle va le dire toute seule même. The name of this tune is Mississippi Goddamn. And I mean every word of it. Alabama's got me so upset. Tennessee made me lose my rest, and everybody knows about Mississippi, goddamn. Alabama's got me so upset. Tennessee made me lose my rest, and everybody knows about Mississippi, goddamn. Can't you see it? Can't you feel it? It's all in the air. I can't stand the pressure much longer. Somebody say a prayer. Alabama's gotten me so upset. Tennessee made me lose my rest. And everybody knows about Mississippi, goddamn. This is a show tune, but the show hasn't been written for it yet. hound dogs on my trail, school children sitting in jail, black cat cross my path, I think every day's gonna be my last. Lord have mercy on this land of mine, we all gonna get it in due time. I don't belong here, I don't belong there, I've even stopped believing in prayer. Don't tell me, I'll tell you, me and my people just about do. I've been there so I know, keep on saying, go slow. But that's just the trouble, washing the windows, picking the cotton, you're just plain rotten. Counted with all the rest, 'cause everybody knows about Mississippi. God damn, I bet you thought I was kidding, didn't you? Picket lines, school boycotts, they try to say it's a communist plot. All I want is equality for my sister, my brother, my people, and me. Yes, you lied to me all these years. You told me to wash and clean my ears and talk real fine just like a lady, and you'd stop calling me Sister Sadie. Oh, but this whole country is full of lies. You all gonna die and die like flies. I don't trust you anymore. You keep on saying, go slow. Go slow. But that's just the trouble. Desegregation. Mass participation. Unification. Things gradually would bring more tragedy. Why don't you see it? Why don't you feel it? I don't know, I don't know. You don't have to live next to me, just give me my equality. Et voilà, comme prévu, un classique en cache un autre. Oh, on va se calmer. C'était Nina Simone juste avant, et avec le titre que je vais retrouver de suite, Mississippi Godman. Et juste avant Nina Simone, un autre grand classique, c'était Aretha Franklin. Voilà, les deux, souvent imités, jamais égalés. Aretha Franklin et Nina Simone, voilà, vous retrouverez toute cette playlist et les titres et les morceaux, les noms des compositeurs, des chanteurs, etc. sur la page de Tortoli et Arbatax, car vous écoutez Tortoli sans Arbatax sur le Radio Panique, sur Radio Panique, pardon, 105.4, voilà. On s'enchaîne directement avec Shirley Ellis, qui a été remixé par DJ Soulist. DJ Soulist qui forme avec Fulgence le duo Souléance. Voilà, Shirley Ellis, tout de suite en Radio Panique. Back on the streetcar line, the line broke, the monkey got choked, they all

Maputiwa na rabali, tolante wone. Maputiwa na rabali, tolante wone. Maputiwa na rabali, tolante wone. Tortoli et Arbatax ne prennent pas de vacances radiophoniques. Ou presque. C'est chaque mardi de 18h à 19h sur Radio Panique. Même pendant le mois d'août. Oui madame. Ah. Et voilà, c'était The Magba. Magababa Queens, pardon. Magababa Queens avec le titre Mafuti. Et juste avant ce morceau, c'était là qu'on entend en fond, Magbaba Queens. Juste avant, c'était DJ Saulis qui remixait un titre de Shirley Ellis, un vieux titre qui remixe ma foi très très bien. Voilà, je vais profiter de cette petite interlude musicale pour vous annoncer deux soirées dont l'une aura lieu vendredi 20, à savoir demain à Bruxelles. Donc voilà, pour les auditeurs bruxellois, sachez qu'il y a une mini panique party ce vendredi, ça se passe au Cave. L'adresse c'est 44 rue d'Artois à Bruxelles. À partir de 21h, vous pourrez écouter DJ Zazou, Bomo Logic de Radio Panique, un DJ de Rebel Up, le collectif bruxellois avec notamment Seb Cat et également d'autres DJ de Radio Panique, à savoir Autant de Zerebus versus Thunder Radio Show, pardon. Voilà, ça se passe demain, c'est le mini panique party et c'est 44 rue d'Artois au BZZZZ. Et voilà, il vous en coûtera même pas 2€, à savoir 1,99€. Autre soirée, toujours dans mon agenda naturel, à savoir le Recyclard demain. Demain, vous pouvez vous rendre au Recyclard où notamment vous pourrez écouter Kermesse à l'Est, une fanfare pas de l'Est mais de Bruxelles. Peut-être de l'aide de Bruxelles, je ne sais pas. Bah, à vérifier. Avec notamment Kermesales qui sera accompagné de Vafan Fanfare, une autre fanfare de Bruxelles. Et surtout, le DJ français, parisien, nantais, Boris Viande. Voilà, il vous en coûtera 5€ devant le Recyclard. Il y a aussi des animations qui, à partir de 18h, mettent à profit un four à pain qui vous permettent de faire vous-même votre pain. Voilà, les ingrédients sont fournis, il n'y a plus qu'à écouter les instructions du professeur qui va vous apprendre avec ses petits ingrédients à faire une pâte à pain et ensuite vous pourrez la déguster une fois qu'elle aura chauffé dans le four à pain. Voilà, c'était l'agenda Q, ma foi digne des plus grands agendas culturels que peut nous fournir un certain Arbatax. Voilà, sur ce, je vais vous donner rendez-vous sur les sites internet, voilà, façon Arbatax. Et on va s'enchaîner juste derrière avec d'autres petits morceaux. On sent que ça part direct derrière. On va délaisser un peu le côté old school classique pour passer plus sur un côté coupé, décalé, raga, voire gentiment reggae. Voilà, on va commencer. C'est quasi un classique aussi avec Corner Shop, Brimful of Asha. Accrochez-vous. Ah, j'en vois au fond qui sont pas accrochés. Attendez, je vais aller les accrocher. Ça y est, apparemment ils sont bien accrochés. On va pouvoir y aller. C'est parti. ਤਮ ਨੌਂਦੀ ਏ ਕਿਮਰ ਕਰਕੇ We'll be right back. don't care about no government warning about the promotion of the simple life from the dams they're building. Freedom food of Asher on the 45. Well, it's a freedom food of Asher on the 45. Freedom food of Asher on the 45. Well, it's a freedom food of Asher on the 45. Everybody needs a bosom for pillow. Everybody needs a bosom. Everybody needs a bosom for pillow. Everybody needs a bosom. Everybody needs a bosom for pillow. Everybody needs a bosom. Mine's on the 45. Mohammed Rafi, 45. Lata Mangeshkar, 45. Solid State Radio, Ferguson Mono, 45. Bon Public, 45. Jack Too Drunk and the Bowling Boogie, the heavy hitters and the Chi-Chi music, all in your radio, 45. Two in ones, 45. Abo Records, 45. Trojan Records, 45. Batax, les deux grosses mythes de Radio Panique. Yeah, this is Tussum Tussum Mitchell saying tune in. It's Shaggy, the number one DJ. Shaggy, Tussum Mitchell, so yes, watch out. What's up, bam, bam. Oh, for touch the man a big deal. Make sure you're ready for the action when the truth get revealed. You never hear the order, consequences turn real. Can't hear me friend, we'll know your skin going go feel. Bam bam, hey, say what a bam bam. Bang bang, bam, middly biddly bang bang. You never listen to the words, you never try understand. Never listen for a toots when him a tell you about the man. Never know say that it be a retaliation. Never know say that this man is a innocent man. I tell you this a man, you never trouble no one. You never try to do some investigation. You say you would have find out he's a serious man. Now you trouble this man and it does a bam bam, hey. Say what a bam bam. Bam bam, biddly biddly bam bam. Come for the truth, come tell him about this a man. You touch him on the wind and never touch the eye. Just vacate the spot before the masses multiply. But I could tell them now that. Et voilà, de retour, Radio Panique, vous écoutez Tortoli Herbe Attaque sur le 105.4 ou sur www.radiopanique.org. Juste avant, c'était Toots and the Metals, featuring Razel et Shaggy, vous l'avez reconnu avec sa voix assez particulière. Maintenant, on va passer du côté obscur, du côté coupé, décalé. Voilà, on se fait plaisir. Le soleil est de retour, on va pouvoir bouger. C'est parti, direct, le morceau il s'appelle Farote. Et c'est remixé par le collectif Tupolev Sun Crash. Encore des Bruxellois. Seigneur Fanke, écoute ça. Deux ali qui t'ont posé, Bosiana. On y a plein de génies chantés pour toi et mon frère et maman. Et maman, on y a réconciliation nationale et déposer les amis, maman. Et Souba, ouais, arrangé. Flamme dit le génie, la flamme du futur. Toujours également la présence du papa au bout, Jérémy, la sous de la gloire. Maître Aka Philippe également. Flamme dit qui avec la nouvelle danse. On y va. Allez, on répond, on y va. Soit, hein, Sigiba, I say come on me, boy guy get sigiba, boy guy get sigiba, suma. Rien de mal, rien de mal, c'est son argent, il s'en fout de quelqu'un. Grenoble, Abidjan. La référence des hommes forts de la source toujours. Les allongés. C'est ça qui est bon, Abidjan. Oui. Tous les rêves. Tous les monnaies, c'est ça qui est bon, la prudence. Tous les monnaies, on y va, c'est ça qui est bon, la prudence. La prudence, la prudence, la prudence, la prudence, la prudence, la prudence, la prudence, la prudence, attraperai. Souba, tu y es. Attraperai. Souba, tu y es. Attraperai jusqu'à DJ, tu y es. Attraper les flammes, si le génie, tu y es. Suzi bana kolela, bana yebisanga bana tozali imama. Impitié de ton fils jusqu'à DJ. Impitié de ton fils flanti le génie. Parce que tata Zambé, c'est toi le dieu des dieux. Impitié de ton fils parce que la guerre c'est pas moi. Hein. S'amuser mal la guerre c'est plus doux que pas la bébé. Mes frères mettent dans la main, c'est ça qui est la vérité. Hein. On va galoper. Hein. Il crie kata, crie kata, crie kata, crie kata, crie kata. Il faut décaler, personne peut stopper, personne peut stopper. Toutes les personnes, on va vous couper. On entend donc, il faut décaler, personne peut stopper, personne peut stopper. Charlie Marco et Daddy Mori, M.A.C. Ah ouais, s'appelle Technicon. Je sais mais, je sais mais, je sais mais, je sais mais. C'est pour toi ça mon frère, casse manteau. Yeah bo, déjà même là, on est fatigué de conneries man. Brink, brink, brink, brink, brinque. Danser, mouler, j'ai des jambes. Poupée décalé, décalé poupée. Poupée décalé, décalé poupée. Oh, à gauche, à droite. Aïwa oh, aïwa, aïwa, aïwa, aïwa, aïwa, aïwa oh. C'est le coupé décalé. Va à Bamako, c'est le coupé décalé. Va au Sénégal, c'est le coupé décalé. Tu vas à Paname, c'est le coupé décalé. Tu es court dans la salle, on te voit même pas là-bas. Tant qu'il y aura des guerres, les seigneurs de guerre vivront une vie pépère. Les civils, nous qu'avons gagné par tonne. Et en Afrique, les gangs chatraisons. Les seigneurs de Manhattan. La femme du livre des bijoux Barton. T'as un jet privé, une villa à Rome. Pour avoir tout ça, t'as vendu des amours sur aller en boom. Franchement, j'ai vraiment du mal à y croire. Je puisse te regarder dans un miroir. Après avoir fait autant de mal en vendant des hommes en Côte d'Ivoire. Les conflits en Afrique font que les seigneurs de guerre s'enrichissent. Et ça se passe de père en fils. Les conflits en Afrique font que les seigneurs de guerre s'enrichissent. Hey, c'est bon ça, c'était une petite session coupée décalée, à savoir Farauté, suivie de, d'une double Daddy Mori. Daddy Mori avec le titre coupé décalé, et là sur le Judgment Redeem, c'était les juges, les seigneurs de guerre, pardon. Voilà, c'est la fin de ce Tortoli Sin Arbatax. On se retrouve d'ici très peu de temps, à savoir sûrement mardi prochain, voilà. Vous avez écouté la spéciale Tortoli sans Arbatax. Vous écoutez Radio Panique 105.4 ou alors en différé. Sachez que tous les titres, morceaux et toutes informations complémentaires qui pourraient être complémentaires à ce que je dis mais je vois pas en quoi sont disponibles via la page Facebook de Tortoli et Arbatax et également sur le site de Radio Panique. Vous cherchez Tortoli et Arbatax. Vous allez trouver assez facilement, il y aura le titre des chansons et un lien pour réécouter toute cette émission. Voilà. Big up à tous. On se retrouve mardi prochain avec du bon son comme d'habitude, un petit agenda culturel. Voilà, voilà. On va se quitter comme d'habitude, comme toutes les émissions, sur un classique. Le classique, c'est Chakademus and Pliers. Et le titre, Murder She Wrote. Et ouais, ça va vous rappeler des bons souvenirs à ceux qui allaient acheter leur petite compilation Raga Connection notamment. Voilà, on se quitte, Chakademus and Pliers, c'était Tortoli sur Radio Panique. A très bientôt les amigos. Her beauty's like a bunch of roses. If I ever tell you about Maxine, you would say I don't know what I know. But murder she wrote, real, real. Murder she wrote, murder she pretty face and bad character. Them the kind of living can hold chaka. Follow me. A pretty face and bad character. Them the kind of living can hold chaka. Say, girl, you're pretty. Your face it pretty, but your character dirty. Girl, you just a act too flirty, flirty. You run to tempt it and also hurry. And when you find your mistake, you talk about your sorry, sorry, sorry. Come now. Have a cozy kind of when she jokes and when she jam. She know about Luke, Jack, and every morning man. True. Make love with the coolie Chinese, white man, and Indian. The wickedest kind of girl that Mr. Flyers broke up. And now do you heard about this girl? Her name is Maxine. Her beauty's like a bunch of rose. And if I ever tell you about Maxine, your older say, I don't know what I know. But murder she wrote. Murder is shot, man. Murder she wrote. Murder she wrote. Na na na. Murder she wrote. Watch your nose stand still. You're not paying me like Bill. If you're testing ragamuffin, girl, you're going to get killed. Girl, keep wait. Cause you are crembe, crembe. And the lyrics when me talk, if me DJ, girl, come out. Because you're not shock out. And when you hear them ragamuffin, you have to jump and shout, not touch me gate. You're not paying me what I'm ready. Cause great is great, mate. You're underrated from me. You pretty face and bad character. Them the kind of living can hold chaka. From me. You pretty face and bad character. Them the kind of living can hold chaka. Say, girl, you're pretty. Your face ain't pretty, but your character dirty. Girl, you just a act too flirty, flirty. You run to Tom, Dick, and also hurry. And when you find your mistake, you talk about your sorry, sorry, sorry. Now every mingle of the year, this young girl have a passion. For the coolie white man, Indian, not see kill on his fan. And just the other day, me see her 6 months pregnant. Now she back for sweet again with not a baby in a prom. Do you heard about this girl? Her name is Maxine. Her beauty's like a bunch of rose. And if I ever tell you about Maxine, your older say, I don't know what I know. But murder she wrote. Murder she wrote. Murder she wrote. No, no, no. Murder she wrote. Excuse me. Y'all never know what I saw you see. Ragamuffin, Jack, and demons come to flash it to you. Oh, oh, oh. Flummy. You pretty face and bad character. Them the kind of living can hold chaka. Flummy. You pretty face and bad character. Them the kind of living can hold chaka. So girl, you pretty. Your face ain't pretty, but your character dirty. Girl, you just act too flirty, flirty. You run to Tom, Dick, and also hurry. And when you find your mistake, you talk about your sorry, sorry, sorry. The girl a boss and a brag on, she looks sexy. All she worship is being vanity. The girl a boss and a brag on, she look ready. When she wash and close it dirty, girl, you not ready. If you can't cook for me, girl, you not ready. If you can't wash me, girl, you not ready. If you know you're flirty, flirty, flummy. You pretty face and bad character. Then the kind of living can hold chaka for me, no. You pretty face and bad character. Then the kind of living can hold chaka. So stand still, you not be in me like. I know.